Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Laure Conant, la première romancière du Canada français. C'est à se demander si elle n'a pas été le premier romancier tout court au 19e siècle. Parce qu'elle est la première à avoir compris ce que c'était qu'un roman. Elle est la première à avoir écrit un roman dans lequel on trouvait autre chose qu'un bon devoir d'écolier. Vous savez, il y a une substance chez elle qui fait qu'actuellement, on retourne vers Laure Conant. L'essayiste Roger Lemoine à l'émission « Femmes d'aujourd'hui » en 1974, Laure Conant peut assurément être considérée comme la première véritable voix féminine forte de notre littérature. Laure Conant est la première chez nous à donner dans le roman psychologique. Son roman le plus connu reste aujourd'hui encore « Angéline de Montbrun ». Toujours vous rouvre en nos cœurs presque éteints aux lumineuses fleurs des souvenirs lointains. Parmi les papiers de mon père, j'ai trouvé plusieurs de mes cahiers d'études qu'il avait conservés. Et comme cela m'a reporté à ces jours bénis où je travaillais sous ses yeux, entourée, pénétrée par sa chaude tendresse. Quel soin ne prenait-il pas pour me rendre l'étude agréable? Il voulait que je grandisse heureuse, joyeuse, dans la liberté de la campagne, parmi la verdure et les fleurs, et pour cela, il ne recula pas devant le sacrifice de ses goûts et de ses habitudes. La vue de ses cahiers m'a profondément touchée. J'ai pleuré longtemps. Oh, le bienfait des larmes. La comédienne Hélène Loisel lisant un extrait du roman Angéline de Montbrun à l'émission Anthologie en 1991. Pour nous parler de l'importance qu'a eu Laure Conant dans notre littérature, je reçois Claude Lacharité, qui est écrivain, professeur de lettres et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, quelle importance elle a, Laure Conant, dans l'histoire de la littérature québécoise? Comment on peut la comparer ou la situer, par exemple, par rapport à une Anne Hébert ou une Gabrielle Roy? Bien, Laure Conant est la première écrivaine de carrière de notre littérature. Alors, ce n'est pas la première à avoir écrit de la littérature. On a évidemment des femmes qui ont écrit avant elle. On peut penser à Élisabeth Bégon, par exemple, qui nous a laissé une admirable correspondance à la fin du régime français au 18e siècle. Mais Laure Conant est la véritable première femme à s'être entièrement consacrée à la littérature au point d'en faire son unique activité. Ouais. Et de ce point de vue-là, bien, il y a une sorte de filiation au moins symbolique avec les grandes écrivaines du 20e siècle, Gabrielle Roy dans la première moitié du 20e, hein, l'autrice de Bonheur d'occasion, publiée en 1945, ou encore Anne Hébert dans la deuxième moitié du 20e siècle, l'autrice de Kamouraska, publiée en 1970. Et il faut dire qu'au 19e siècle, hein, la société patriarcale fait en sorte que le domaine littéraire est difficile d'accès aux femmes. Hein. Oui. La littérature est véritablement un boys club, pour reprendre une expression à la mode qui a été notamment commentée récemment par Martine Delvaux. Et c'est encore plus vrai donc au 19e siècle. C'est encore et toujours un boys club aujourd'hui, c'est encore plus vrai au 19e siècle. Donc une pionnière, une vraie pionnière. Une pionnière, tout à fait. Et en fait, sa trajectoire personnelle est intéressante parce qu'elle est exceptionnelle, mais Laure Conant est aussi exceptionnelle par l'ampleur et la qualité de son œuvre littéraire. Oui. Bon, parlons un petit peu des origines de Laure Conant, qui s'appelle d'ailleurs Félicité Anger, c'est son vrai nom. Elle naît à La Melbaie en 1845. À quel milieu elle appartient? Quel genre d'enfance, de jeunesse elle a, Claude Lacharité? Alors, elle appartient à une famille relativement aisée de La Malbaie. Les Angers, en fait, sont propriétaires du magasin général. Ils s'occupent également du bureau de poste. Elle fait partie d'une famille nombreuse de 12 enfants. 6 de ces 12 enfants vont survivre jusqu'à l'âge adulte. Et la jeune Félicité Anger, effectivement, a un intérêt très marqué pour la littérature. Dès sa scolarité chez les Ursulines, elle se distingue par son goût et aussi pour son talent pour la littérature. Elle va, très jeune, se lier avec un jeune homme qui s'appelle de Pierre-Alexis Tremblay, qui est un arpenteur, un député libéral. Ça va être une relation amoureuse qui va se terminer brutalement vers 1867-1870. En fait, Pierre-Alexis Tremblay va rompre avec Félicité Anger pour épouser une autre femme. Et en fait, à partir de là, vraiment, le destin de Félicité Anger va basculer. Elle va décider de rester célibataire et de se consacrer entièrement à la littérature. En fait, il va y avoir toute une série de deuils qu'elle va vivre dans les années 1870. Son père va mourir d'abord en 1875, puis sa mère en 1879, et même son ex-fiancé, Pierre-Alexis Tremblay, va mourir prématurément aussi en 1879, et elle entre officiellement en littérature en 1878, en commençant donc à faire paraître des textes littéraires dans des périodiques comme la Revue de Montréal ou la Revue canadienne. Mais cette rupture amoureuse, ce sera vraiment très, très important pour elle et un moteur très fort dans tout ce qui suivra. Finalement, dans tout ce qu'elle va écrire, il y a des traces, cette notion de rupture, c'est là tout le temps. Effectivement, dans Angéline de Montbrun, entre autres, son roman le plus connu qu'elle fait paraître en 1884. Et c'est pour ça qu'on la connaît beaucoup, je le disais d'entrée de jeu, c'est par son roman Angéline de Montbrun qu'elle s'est fait connaître surtout, mais vous le dites, elle passe sa vie entière à écrire, elle écrit bien autre chose qu'Angéline de Montbrun. De quoi se compose son œuvre, Claude Lacharité? Alors, Laure Conant, effectivement, écrit pendant une bonne partie de sa vie. Elle entre en littérature en 1878, comme je le disais tout à l'heure, et elle va mourir en 1924 à l'âge de 79 ans. Et pendant toutes ces années, donc, elle va publier de très nombreux textes. Alors, il y a toute une partie de son œuvre qui ressortit au genre du roman intimiste, comme Angéline de Montbrun. Et c'est une veine avec laquelle elle va renouer sur le tard. Elle va publier, par exemple, la veine foi ou l'obscure souffrance sur le tard, 1915-1921. Et tout ça, donc, fait partie de la même veine intimiste. Mais à côté de ces romans intimistes, on trouve aussi des romans historiques qui ont tendance à idéaliser la période du régime français de la Nouvelle-France. C'est le cas, par exemple, du roman qui s'appelle « À l'œuvre et à l'épreuve » qu'elle fait paraître en 1893 et qui met en scène le jésuite Charles Garnier. À côté de ces romans historiques, il y a aussi des portraits de figures importantes de notre histoire. Elle va consacrer, par exemple, un texte à Jeanne Mance, la fondatrice de Montréal, ou encore à Louis Hébert, le premier colon de Québec. Et enfin, le quatrième ensemble qui constitue son œuvre, c'est en fait des textes de théâtre, des textes dramatiques. Elle va, par exemple, adapter pour le théâtre un roman qu'elle consacre à Lambert Kloss. Son roman de 1901 s'intitule « L'oublié » et elle va l'adapter pour le théâtre en 1907 sous le titre « Au jour de Maisonneuve ». Mais dans tout ça, encore une fois, c'est Angéline de Montbrun qui se distingue du lot, qui reste son grand roman, le grand roman de Laure Conant. En voici d'ailleurs un extrait lu par Carole Chapelle à l'émission « Le roman du Québec » en 1999. Tu sais peut-être qu'un ruisseau coule dans le jardin, très vaste et très beau. Monsieur de Montbrun en a profité pour se donner le luxe d'un petit étang, qui est bien ce qu'on peut voir de plus joli. Des noyers magnifiques ombragent ses belles eaux, et les fleurs sauvages croissent partout sur les bords et dans la mousse épaisse qui s'étend tout autour de l'étang. C'est charmant, c'est délicieux. Et le cygne pense de même, car il affectionne cet endroit. Angéline, nue-tête, un gros morceau de pain à la main, marchait devant moi. De temps en temps, elle se retournait pour m'adresser quelques mots badins. Mais arrivée à l'étang, elle m'oublia. Alors, que raconte donc Angéline de Montbrun, Claude Lacharité? Alors, c'est un roman qui paraît en 1884. En fait, sous forme de livre, il avait déjà paru auparavant en feuilleton dans des journaux de l'époque en 1882-1883. C'est le roman, en fait, d'une idylle amoureuse entre la protagoniste, Angéline de Montbrun, et un certain Maurice Darville. Angéline vit à la campagne, à Valrian, qui est un lieu imaginaire, mais situé en Gaspésie. Et en fait, le jeune Maurice Darville va aller rendre visite à Angéline à Valrian, ans pour demander sa main à son père. Son père va lui accorder sa main, mais de mauvaise grâce, en fixant une condition, c'est que Angéline puisse vivre à ses côtés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 20 ans. Alors, dans l'intervalle, Jean-Maurice Darville quitte pour l'Europe faire ses études en médecine. Et pendant ce temps, en fait, Charles de Montbrun, donc le père veuf d'Angéline, va mourir dans un regrettable accident de chasse. Et en fait, ça va entraîner un deuil particulièrement éprouvant pour Angéline de Montbrun, qui n'arrive pas donc à surmonter la peine provoquée par la disparition prématurée de son père. Elle va faire une mauvaise chute, se défigurer. Et comme elle est désormais moins belle qu'elle ne l'était à la belle époque, elle décide de rompre ses fiançailles avec Maurice Darville parce qu'elle ne veut pas de sa pitié, comme elle le dit. Et donc, la suite de l'histoire est une longue solitude, en fait. Hein? Angéline de Montbrun réfléchit au sens de sa vie. Elle se demande comment, surmonter ce deuil, comment surmonter son désespoir également. Elle veut faire de sa vie un sacrifice. Elle envisage d'entrer dans les ordres religieux. Mais la conclusion du roman est ouverte et on ne sait pas quelle décision finalement prendra Angéline de Montbrun. Ouais, tout ça me semble bien judéo-chrétien. C'est en toile de fond, il y a cet univers qui est là. Parlons de ça, justement, et surtout de ce qui est dépeint là-dedans, mais de la façon dont ce sera interprété, parce que c'est intéressant. Le roman, il est plutôt bien accueilli à sa sortie, mais au fil du temps, l'interprétation qu'on fera de ce roman-là va évoluer au fil du temps. De quelle manière? Oui, c'est assez frappant, en réalité. On passe d'un extrême à l'autre dans la manière d'interpréter le roman de Laure Conant, en fait. Au moment de sa parution, il y a un très grand enthousiasme, en fait. C'est une œuvre qui est reconnue comme une œuvre édifiante, une œuvre pieuse, une œuvre qui, représente la femme chrétienne idéale, oui, telle qu'on l'imagine dans le Québec du 19e siècle. Henri-Raymond Casgrain, l'abbé Casgrain, dira que Angéline est un ange, hein, ça veut tout dire. Dès le début du 20e siècle, par contre, on va davantage mettre l'accent sur une lecture autobiographique en faisant des rapprochements entre la fiction et la vie personnelle de Félicité Angé, en voyant, par exemple, dans Angéline de Montbrun, son double fictionnel et romanesque, quelqu'un comme, par exemple, Louis Fréchette, en 1906, dira que, en fait, il y a comme un grain d'autobiographie dans Angéline de Montbrun. Et puis, un peu plus tard, dans les années 1950-1960, on va lire le roman avec une perspective psychologique et psychanalytique. Alors, quelqu'un comme, par exemple, Jean Lemoine dira en 1953 que c'est le livre le plus malsain de toute notre littérature. Et ce qui est vrai, en tout cas, c'est que c'est vraiment un roman où la psychologie des personnages est très travaillée. Hein. Elle est même, une psychologie. C'est une psychologie qui est intéressante parce qu'elle est presque trouble à certains égards. On peut imaginer, par exemple, on peut penser à la relation qui unit Angéline de Montbrun à son père Charles. Hein. Ouais. Quand Maurice Darville obtient la main d'Angéline de la part de Charles, le père précise que épouser sa fille, ça revient à l'épouser lui. Donc, on imagine un petit peu le genre de conclusion qu'on peut tirer sur le plan de la psychologie des profondeurs, chère à Freud, entre autres. Et ça, c'est nouveau. Encore une fois, chez nous, elle touche là un style romanesque que personne n'avait touché jusque-là. Elle publie donc, il faut le rappeler, ce roman, Angéline de Montbrun, est publié en 1884. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'elle va très loin dans la psychologie des personnages, parce qu'à cette époque-là aussi, les femmes sont ou bien carrément exclues du champ littéraire, ou alors confinées à un genre précis de littérature. Comment elle réussit à tirer son épingle du jeu, parce que ce sera le cas Laure Conant. Où est-ce qu'elle se situe avec Angéline de Montbrun par rapport à ce qu'on permet normalement aux femmes de publier? Oui, effectivement, il y a un vrai problème de fond. Hein. Les femmes au 19e siècle, dans l'idéologie patriarcale de l'époque, sont confinées à la sphère privée. Or, publier, c'est nécessairement accéder à la sphère publique. Ça pose des problèmes et donc, c'est évidemment pas quelque chose qui est encouragé chez les femmes. En revanche, évidemment, on peut tolérer qu'une femme écrive, mais il faut qu'elle écrive des choses qui relèvent précisément de la sphère privée. Par exemple, de la correspondance, des lettres ou un journal intime. Or, je dirais, le génie de Laure Conant, c'est précisément d'avoir intégré intégré ces deux formes d'écriture dans son roman Angéline de Montbrun. Toute la première partie est constituée de lettres que s'échangent les personnages, entre autres Angéline, la sœur de Maurice Darville, Mina Darville, une autre amie commune qui s'appelle Emma. Et puis toute la dernière partie, lorsque Angéline se retrouve seule à Valrien, est constituée en fait du journal intime que tient la protagoniste, l'héroïne Angéline de Montbrun. Donc c'est très intéressant parce que quelque part, ça répond, disons, à l'idée qu'on pouvait se faire de l'écriture féminine au 19e siècle. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que c'est loin d'être un roman conformiste parce qu'en réalité, les personnages féminins de Lorcona sont des personnages toujours très forts. Ce n'est pas du tout des femmes au foyer qui seraient incultes ou ignorantes. Au contraire, Mina Darville, Angéline de Montbrun sont très cultivées, sont très à l'affût de l'actualité politique, prennent des positions souvent très tranchées sur les questions de l'époque. Et donc, c'est une façon, je pense, pour Lorcona de subvertir les codes de la période dans laquelle elle vit, tout en donnant l'impression de les respecter. Oui. L'action d'Angéline de Montbrun se déroule en Gaspésie, ce qui n'est pas le pays duquel est originaire Lorcona. Elle vient, vous nous le rappeliez au début de l'émission, du Charlevoix, de la région de la Malbaie. Pourquoi situer l'action de ce roman en Gaspésie? Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut dire que beaucoup d'écrivains au 19e siècle ont un véritable engouement pour le bas du fleuve, c'est-à-dire toute cette vaste région qui est en aval de Québec et qui comprend la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Lorcona ne fait pas exception. Hein. Elle situe son lieu imaginaire de Valrien en Gaspésie, tout près de Gaspé. Hein. La fiction insiste bien sur ce détail. Et je pense que dans son roman, ça joue deux rôles. D'une part, ça permet au personnage de faire une sorte de pèlerinage aux sources historiques de la nation. Hein. Mm-hmm. Il y a entre autres un pèlerinage qui est accompli par Charles, par Maurice Darville et par Angéline pour aller voir la croix que Jacques Cartier a plantée à Gaspé, comme s'il y avait là une présence symbolique plus forte de l'histoire que n'importe où ailleurs. Mais ça joue aussi également un autre rôle, un rôle plus dramatique, si on veut, dans la mesure où, je dirais, le golfe du Saint-Laurent permet à Lorcona d'avoir un cadre magnifique, en fait, des paysages sublimes qui élèvent l'âme. Très souvent, l'héroïne va faire une sorte de parallèle entre son état d'esprit et l'état changeant du fleuve avec les marées, les tempêtes, etc. Et aussi, évidemment, c'est une source d'apaisement pour l'héroïne torturée, tourmentée par la disparition de son père. N'oublions pas que le 19e siècle, c'est aussi la période où apparaît la thalassothérapie, où on commence à se soigner grâce à la mer. Et c'est aussi la période où émerge finalement une certaine villégiature en bord de mer, en front de mer. Et je pense que Lorcona exploite évidemment toutes ses potentialités dans son roman. Oui. Et Lorcona va se distinguer aussi dans son parcours littéraire par une certaine reconnaissance à l'étranger. Encore une fois, ça également, ça n'est pas si commun à l'époque. Remarquez, Louis Fréchette, avant elle, avait aussi reçu le même prix qu'elle recevra, le prix Montyon de l'Académie française, mais elle le recevra également, Lorcona. Quel genre de rayonnement elle aura à l'étranger? Effectivement, c'est un personnage très important aussi sur le plan de la réception internationale. Vous avez raison de souligner qu'elle a obtenu le prix Montyon comme Louis Fréchette. Elle l'obtient en 1903 pour son roman L'Oublié, qu'elle avait fait paraître en 1901 et qui relate donc la vie héroïque de Lambert Kloss. Ce prix Montyon, en fait, on a tendance à l'oublier. L'histoire littéraire est souvent oublieuse des figures féminines, hélas, mais effectivement, c'est le même prix que Louis Fréchette avait obtenu en 1880 pour Les Fleurs boréale. En 1904, elle va écrire au premier ministre Wilfrid Laurier pour se plaindre du fait qu'elle est traitée différemment, simplement parce qu'elle est une femme. Hein. Elle dit littéralement, si j'étais un homme, on me traiterait bien autrement. Donc, il semble que dès, je dirais, son vivant, en fait, on ait fait une sorte de différence simplement parce qu'elle était une femme. Mais il se trouve qu'elle a eu un plus grand rayonnement probablement que Louis Fréchette, puisque déjà à la fin du 19e siècle, en 1898, elle avait obtenu les palmes académique du gouvernement français pour un précédent roman, À l'œuvre et à l'épreuve, publié en 1893. Donc, on peut dire qu'au fond, sur un plan, je dirais, du rayonnement, sur le plan du rayonnement, Lorcona a probablement eu un plus grand succès encore que Louis Fréchette, même si on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Puis en fait, elle se plaint à Laurier du fait que, au fond, elle a le même prix que Fréchette, mais on en fait moins grand cas. C'est un peu ça qu'elle lui dit. Terminons cette émission en revenant justement sur ce qu'elle nous laisse, sur son héritage, sur l'importance qu'elle a eue dans notre littérature, plus largement également dans ce Québec de la fin du 19e, du début du 20e siècle. On écoute à ce sujet Micheline Dumont-Johnson à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en 1974. Je crois que l'influence de Laure Conant peut se situer sur, disons, sur trois plans. D'abord, elle est avant tout une première, c'est-à-dire la première femme qui a écrit, la première femme qui a fait du journalisme. Elle laisse entendre dans une lettre à l'abbé Casgrain que c'est pour gagner sa vie qu'elle a voulu écrire. Cela paraît assez étonnant, et ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'effectivement, elle a gagné sa vie de sa plume. Son rôle dans la littérature l'a amenée à jouer un rôle dans la vie publique, et c'est, je crois, la deuxième influence qu'elle a eue. Elle a été considérée par ses contemporains, et les plus notables d'entre eux, je pense aux historiens, je pense aux professeurs de littérature, aux clergés, elle a été considérée comme un personnage de premier plan, une figure d'élite. À la mort de Laure Conant, son nom n'est pas mentionné dans les pages féminines, mais c'est des éditoriaux que l'on fait dans les journaux à ce moment-là. La troisième influence de Laure Conant, je crois qu'elle est littéraire. Elle a inauguré chez nous la tradition du roman psychologique, et elle a été longtemps la seule à la représenter. Je dirais même que les descendantes littéraires de Laure Conant sont peu nombreuses. Il y a peu de femmes qui ont suivi sa lignée littéraire. Ah, c'est intéressant cet extrait, Claude de la Charité. Que dire? Le fait, entre autres, qu'elle cherche, est-ce qu'elle a des descendantes? C'est un peu ce que Micheline Dumont-Johnson dit dans cet extrait-là. Que dire de son héritage? Est-ce qu'effectivement, il y a des noms qui nous viennent quand on pense à ses dignes héritières? Oui, effectivement, il semble pas y avoir d'héritière directe, évidente, en fait. Hein? Il y a peu de femmes qui vont écrire des œuvres à la manière de Laure Conant, qu'il s'agisse de romans psychologiques ou de romans historiques. En revanche, il y a une filiation symbolique forte, hein, comme je le soulignais en introduction, avec ces femmes qui vont se consacrer corps et âme à la littérature au 20e siècle. Elle a véritablement ouvert la voie. Elle n'est pas la seule. Hein? Il y a aussi Robertine Barry, par exemple, à la même époque, qui va faire œuvre de journaliste, tout comme Laure Conant. On n'a pas beaucoup parlé de sa contribution au journalisme, mais elle est aussi journaliste et c'est très important. Ça permet effectivement de vivre de sa plume à une époque où les droits d'auteur évidemment n'existent pas encore. Ouais. Et puis, je dirais, il y a des traces de Laure Conant un peu partout dans la mémoire collective, notamment dans la toponymie. Hein. Il y a un certain nombre de places et de rues qui portent le nom de Laure Conant. Je pense qu'il y en a 14, si ma mémoire est exacte, d'après la commission de toponymie du Québec, un peu partout, à Sherbrooke, à Montréal, à Baie-Saint-Paul, à Rimouski, à Sainte-Julie, entre autres. Et peut-être le plus important et le plus, je dirais, intéressant sur le plan symbolique, il y a deux bibliothèques qui portent oui. le nom de Laure Conant, une à Laval et l'autre, bien entendu, dans sa ville natale, à la Malbaie. Qui est une magnifique bibliothèque par ailleurs, à Tout la à Malbaie. Fait. Claude Lacharité, écrivain, professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.